إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication du livre حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة. La réalité de Al-Wala wal-Bara, de l'allégeance et du désaveu dans Al-Kitab ou Sunnah. Et on est arrivé à la page 115 dans le livre. Le livre est écrit par le Cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani, qui est un des shuyukh salafis de l'Arabie Saoudite. Et ce livre a été préfacé par le Cheikh Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan, et il a été relu également par ce dernier. Et Cheikh Salih al-Fawzan fait partie des membres de Hay'at Kibar al-Ulama, le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, et il est également membre du comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite aussi. Et on est arrivé au point numéro 7. Au point numéro 4, Ad-Dabit al-Rabi', le principe numéro 4 dans les principes du point 9 qu'on est en train d'expliquer. Les principes du point 6, parmi les points qu'on explique au sujet de la réalité de Al-Wala wal-Bara, il y a le point numéro 6 qui consiste en fait à réfuter certaines des shubuhat des gens de takfir par rapport à Al-Wala wal-Bara. Et on est arrivé dans les 14 points qui sont mentionnés à ce sujet-là dans le point numéro 6. On est rendu au point numéro 4, ou au principe numéro 4. Et ce principe-là, c'est Al-Mu'alatul Wajiba, Idha kana al-Muslimuna. إذا كان أمر المسلمين متفق على طاعة الله متفق على طاعة الله. Donc le fait de, il faut, en fait c'est pour expliquer que l'allégeance qui est obligatoire et l'amour qui est obligatoire, c'est lorsque les affaires des musulmans sont rassemblées sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'affaire des musulmans est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une allégeance complète et totale. Toutefois, s'il y a des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala dans les affaires des musulmans, dans ce cas-là, l'allégeance ne sera pas totale. Et il y aura des clarifications à ce sujet-là. Le Cheikh il explique, il dit إن الموالاة الواجبة لأهل الإسلام تكون إذا كان أمرهم متفقا على طاعة الله ورسوله، أما إذا اختلفوا فليس أحدهم بأولى من الآخر بالموالاة حتى يرد ذلك إلى الدليل. والأمة الإسلامية منذ عصور كثيرة لم تجتمع على إمام واحد، فصار لكل بلد إمامه وأحكامه وعهوده الخاصة للضرورة الملجأة. لذلك donc le cheikh il explique que l'allégeance obligatoire pour les gens de l'islam, pour les musulmans, il faut qu'elle soit c'est lorsqu'elle est en accord avec l'obéissance d'Allah et de son messager, hein. Donc dans ces cas-là, l'obligation c'est de s'allier et d'être ensemble et d'être unis. Mais lorsqu'il y a des divergences, alors il n'y en a pas un qui est plus méritant de l'allégeance que l'autre, jusqu'à ce qu'on ait ramené la chose à la preuve, jusqu'à ce qu'on ait ramené cette divergence à la preuve. Et la Umma de l'Islam, depuis le début depuis les premiers siècles, hein, de l'Islam, au début, il y avait un seul imam qui dirigeait tous les musulmans, un seul dirigeant qui dirigeait tous les musulmans. Toutefois, peu de temps après, dans les premiers siècles, on a vu apparaître des différences et des divergences au fur et à mesure que les territoires qui étaient gouvernés par les musulmans commençaient à s'agrandir et à s'élargir. On a vu apparaître des divergences et des différences dans les différents pays musulmans. Et chaque dirigeant ou chaque imam était responsable d'une partie. Chaque dirigeant, chaque imam était responsable de son pays, hein, et il établissait les règles dans son pays, dans l'endroit, dans la région où il était, et il établissait des ententes et des pactes qui lui étaient particulières, hein, indépendamment des autres régions. Et ça, c'était à cause de la nécessité qui s'est présentée à cette époque-là et à ces moments-là. Donc, c'était devenu nécessaire que les choses se passent de cette façon-là, pour différentes raisons. Probablement, une des causes, c'est probablement à cause, justement, de la grandeur du territoire et de, peut-être aussi, les moyens de communication qui était plus limité, pour que, par exemple, quelqu'un envoie un ordre, un dirigeant envoie un ordre d'une région à une autre, et on sait que c'est un territoire qui est très vaste, eh bien, un messager, pour envoyer ce message, devait prendre peut-être plusieurs semaines avant d'arriver, ou bien même des mois avant d'arriver à destination, avant que le message de ce dirigeant-là soit envoyé, hein, arrive à destination et soit mis en application. Donc, c'était pas aussi facile que aujourd'hui, comme par exemple les questions de communication ou des choses de ce genre. Et ça rendait que parfois certaines régions devenaient indépendantes de d'autres régions. Et les dirigeants qui étaient dans ces régions-là, eh bien, ils se comportaient comme s'ils étaient indépendants du khilafa, et c'est comme ça que sont apparues probablement certaines des différences qui sont apparues justement dans les différentes régions du monde musulman de l'époque, lorsque chaque contrée avait son propre khalifa, hein. Donc parmi les ulama qui ont parlé de cette question là il y en a plusieurs. Le cheikh il cite en premier Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 34, à la page 175, Cheikh al-Islam, il dit: وَالسُنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نُوَابُهُ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجْزٍ مِنَ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أَئِمَّةٍ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, comme on a mentionné dans Majmou' al-Fatawa, il dit que la sunna, Donc, à la base, dans la sunna, c'est qu'il y ait un seul imam pour tous les musulmans et que tous les autres responsables des différentes régions soient ses représentants. Donc, il y a un khalifa, et puis, dans les différentes régions, il y a des umara, des dirigeants qui représentent ce khalifa dans ces régions-là, qui sont comme des alliés, le terme c'est plus comme des ministres en fait, hein, comme des députés de ce dirigeant-là, et qui le représentent dans ces différents endroits. Donc ça c'est l'obligation, et c'est ça qui est à la base dans la sunna. Et le cheikh il dit que si on suppose que la umma sort de cela, sort de ce modèle-là, c'est-à-dire que les musulmans se divisent, il n'y a plus un seul dirigeant pour tous les contrées, pour toutes les contrées, ça devient comme les ministres et les députés qui deviennent chacun indépendant de sa région puis qui dirigent indépendamment des autres. Donc si on rentre dans ce modèle-là et on sort du modèle idéal à cause d'un péché de la part de certains d'entre les musulmans, c'est-à-dire par exemple une rébellion ou des choses comme ça, ou à cause d'une incapacité de la part des autres, hein, c'est-à-dire incapacité de garder le contact, d'autres raisons semblables, ou bien des choses de ce genre, eh bien, ça veut dire que dans ce cas-là, il y aura plusieurs dirigeants. Dans une situation comme ça, il y a plusieurs dirigeants, et il devient obligatoire, dans ce cas-là, à chaque dirigeant, là où il est, d'établir les peines islamiques et les règles, et de remettre les droits à ceux à qui ces droits-là reviennent dans la région où il est. C'est-à-dire d'établir la justice, hein, et les peines là où il est. C'est-à-dire là où ce dirigeant-là est. Et donc ça, c'est la première citation que le cheikh a mentionné. C'est pour montrer que c'est comme la situation actuelle, en fait. Le monde musulman est divisé en différents pays. Chaque pays a son président ou son sultan ou son dirigeant. Et donc, chacun de ces dirigeants-là est comme un imam dans son pays. Et c'est lui qui a la responsabilité de faire établir la justice et la charia dans la région qu'il gouverne et qu'il dirige. Après le شيخ الزهري وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام أو بلدان أو على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. Donc le cheikh il explique, il mentionne que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit dans At-Turar As-Saniyah, c'est le volume 9 à la page 5, que les imams de tous les madhabs, les imams de la religion, dans tous les différentes écoles de jurisprudence ou de fiqh islamique, ils sont tous d'accord sur le fait que lorsque quelqu'un prend le dessus dans un pays, ou bien dans plusieurs pays, et il devient le responsable, le chef de cette région-là, eh bien, il a le même verdict que le khalifa ou que l'imam dans tous les différents domaines de ce que implique être un dirigeant. Donc, c'est lui qui devient le khalifa dans cet endroit-là, comme s'il était le khalifa dans l'endroit qu'il dirige. Et le cheikh, il dit que si ce n'était pas ainsi, eh bien, on ne pourrait plus rien établir de droit dans le monde. Le monde ne pourrait plus tenir. Parce que depuis longtemps, le cheikh, depuis très longtemps, même il dit avant la période de l'époque de l'imam Ahmad jusqu'à nos jours, les gens ne se sont pas réunis autour d'un seul dirigeant. C'est-à-dire que depuis une époque très ancienne, même avant la période de l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, il dit qu'il n'y avait pas un seul dirigeant pour toute la Ummah et pour tous les musulmans dans le monde au complet. Il y avait déjà, même à l'époque, avant l'époque de l'imam Ahmad, il y avait déjà cette division-là dans la Ummah. Et donc, jusqu'à nos jours, c'est comme ça. Depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, c'est comme ça. Et les musulmans ne se sont pas réunis autour d'un dirigeant unique. Les gens ne se sont pas dirigés autour d'un dirigeant unique. Et on ne connaît aucun d'entre les savants qui aurait mentionné que quelque chose, qu'une d'entre les règles de la religion n'est pas applicable ou n'est pas possible, il n'est pas possible de l'appliquer, excepté en présence du grand dirigeant qui va être le calife général de toute la Ummah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de savants qui ont mentionné que pour qu'on puisse appliquer la charia et les règles de la charia et certains aspects de la charia, qu'une des conditions de ça, c'est que il faut que ce soit le dirigeant, il faut que ce soit un dirigeant unique pour tous les pays musulmans dans le monde entier. Il n'y a personne parmi les savants qui a dit ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les dirigeants qui sont dans les différents pays musulmans aujourd'hui, eh bien, ils ont le même verdict, le même devoir et la même responsabilité de faire en sorte que soit appliquée dans leur pays la justice et les règles de la charia que le khalifa général des musulmans. Il a le même verdict que le khalifa. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui donc qui doit faire respecter les règles de l'islam dans son pays. Parce qu'il y a des gens, parmi les gens aujourd'hui qui font partie des hezbiyyin, qui veulent justement essayer de prétendre qu'ils veulent établir l'islam, ils justifient les attentats, les coups d'État et les choses de ce genre, les coups d'État puis les manifestations contre les dirigeants, parce qu'ils utilisent comme shubha, comme ambiguïté pour tromper les gens, qu'ils disent que eux ils ont comme objectif d'établir le khilafa pour tous les pays musulmans. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils prétendent qu'ils veulent réunir tous les musulmans derrière un seul dirigeant. Mais ça, en réalité, c'est un prétexte, c'est une choubha qu'ils lancent sur les gens pour faire croire aux gens que c'est pour justifier en fait les attentats, les coups d'État et les manifestations qu'ils font dans les pays musulmans, parce que par la suite, quand on leur dit ou quand on leur mentionne les preuves dans la sunna qui montrent qu'il est interdit aux musulmans de se révolter ou de se rebeller contre le dirigeant injuste ou contre le dirigeant pécheur, et qu'il faut écouter, obéir, et il faut donner, se limiter à donner la nasiha en privé au dirigeant qui fait des injustices et ne pas le condamner ou le blâmer publiquement, appeler les gens à se révolter contre lui. Donc lorsqu'on mentionne ça aux gens, eh bien, ou à ces gens-là en particulier, eux, ils répondent avec cette choubha justement. Ils disent non, l'ordre d'obéir aux dirigeants et de l'écouter dans et de lui obéir dans le bien, c'est seulement si c'est le khalifa général de toute la Ummah. Mais si c'est des présidents ou des dirigeants comme ça dans les petits pays, dans les différents pays musulmans, ça ne s'applique pas à ceux-là. Et ça, c'est totalement faux. Comme le cheikh Ibn Taymiyyah l'a mentionné, et comme on a lu de cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, la même chose, et de d'autres savants aussi qu'on va mentionner justement maintenant, qui ont mentionné l'ijma' à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants à ce sujet. Il n'y a pas de divergence entre eux sur le fait qu'on doit écouter et obéir aux dirigeants de la région dans laquelle il est, peu importe, même s'il n'est pas le dirigeant de tous les musulmans ou de toute la Ummah au complet. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que si ce n'était pas nécessaire aux musulmans là où ils sont d'obéir aux dirigeants qui est au pouvoir dans leur parti, dans leur contrée, eh bien, dans ce cas, il n'y aurait plus rien qui pourrait tenir. Il n'y aurait plus d'ordre dans les pays musulmans, ce serait le chaos. Et c'est un peu qu'est-ce qu'on voit qui se passe à cause des Hizbiyyins, justement, qui propagent des Shubuhat, ou bien à cause des, également à cause des laïcs et des musulmans qui ont été influencés par les phares chrétiens, juifs et yani athées de l'Occident qui propagent leurs idéologies de démocratie, de droits de l'homme, de liberté ou de laïcité ou des trucs de ce genre, et qui propagent donc l'idée que c'est bien pour les peuples de se révolter contre leur président ou contre leur chef, soi-disant. Et ils prétendent, ils essaient de présenter aux gens l'idée qu'ils ne sont pas libres et que pour être libre, il faut être comme lorsqu'on est en Occident. Alors que qu'est-ce qui se passe en Occident en réalité? C'est une illusion de liberté, puisque les gens en Occident sont beaucoup moins libres que qu'est-ce qu'on retrouve comme liberté dans les pays musulmans. Puisque tout ce que les gens font dans les sociétés des koufars de l'Occident est contrôlé de différentes manières. Et pas, étant donné que la technologie est tellement avancée que c'est devenu possible pour eux de contrôler chaque personne, chaque citoyen, de différentes manières, puis de savoir de le contrôler par différentes méthodes. Et dans les pays musulmans, donc, si on observe et on analyse bien comme il faut la situation, on voit que les gens sont beaucoup plus libres, justement, sur ce point de vue-là. نعم. Donc le Cheikh dit وذكر العلامة الشوكاني في سيل الجرار والحديث الذي رواه أحمد الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 عاما ثم تصير ملكا عضودا ثم قال ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية مما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا. Donc la parole de Cheikh l'imam al-Shawkani, elle est très claire dans cette citation là. Cheikh l'imam al-Shawkani, il dit dans son livre Saylul Jarrar, qui est un livre de fiqh, dans le volume 4 à la page 504, que le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi et qui a été déclaré Hassan par celui-ci et qui a été authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim, parmi les hadiths qui sont rapportés par Safina radiallahu anhu, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que après moi il y aura le khilafa pendant 30 ans, ensuite ça deviendra une monarchie. Ensuite, ça deviendra une monarchie. Donc, c'est rapporté par Ahmad Tirmizi dans Kitab al-Fitan et Ibn Hibban et d'autres également. C'est rapporté par plusieurs et dans plusieurs livres. Donc, ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé même qu'est-ce qui allait se produire après lui. Et c'est pour dire également qu'il y allait avoir dans la Umma qu'est-ce qu'on appelle monarchie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné que la monarchie était quelque chose qui était nécessairement quelque chose qui était interdit. Qu'est-ce qui se passe, c'est que de la part des Hizbiyyin aujourd'hui, qui essaient justement par tous les moyens de justifier leur rébellion contre les dirigeants et qui veulent à tout prix prendre le pouvoir dans les différents pays musulmans, eh bien, étant donné qu'ils ont vu que les pays occidentaux sont révoltés contre leur monarchie dans différents pays européens, et qu'ils ont fait ça également aux États-Unis dans différentes révolutions qui se sont produites, ils ont donc vu que cette tendance-là était à la mode chez les koufars, et donc ils ont essayé d'utiliser ça eux aussi pour essayer d'inciter ou d'encourager les occidentaux à les aider dans leur démarche justement de vouloir prendre le pouvoir, en disant aux koufars d'un côté, ben voyez, nous aussi comme vous avez fait des révolutions dans vos pays pour combattre vos rois et vos monarchies dans vos pays à cause de l'injustice qui existait en Europe de la part de différentes monarchies. Donc eux, ils ont essayé de dire aux occidentaux, koufars de l'Occident, juifs et chrétiens et autres, que c'était un peu la même raison pour laquelle ils voulaient eux aussi prendre le pouvoir dans les pays musulmans. Et bien entendu, ceux qui appellent à ces idées-là et à ces choses-là, c'est parmi les musulmans, ce sont des gens qui sont des munafiqin, des hypocrites, ou bien parfois ce sont des duhal, des ignorants, ou bien parfois ce sont des gens de bid'a, des gens qui font partie de certaines sectes, qui se prétendent musulmans, ou bien qui appartiennent à l'islam mais qui ont des déviations, qui sont loin de la sunna, et ils veulent que ce soit leur secte qui soit au pouvoir pour pouvoir imposer au reste des musulmans qui suivent le Coran et la sunna selon la compréhension des salafs leur propre interprétation qui est en opposition avec la compréhension des salafs salih. Donc on a vu ça dans plusieurs régions, dans plusieurs contrées, dans plusieurs pays musulmans. Bien, ce sont des gens qui ont été influencés par les idéologies de l'Occident, parmi les différents courants politiques qui existent chez les koufars. Certains sont des communistes, d'autres sont des socialistes, et d'autres ont d'autres idéologies, et ils sont influencés par ces idéologies-là après avoir fait des études en Occident. Ils reviennent dans leur propre pays avec ces idées-là, et puis ils pensent pouvoir corriger les problèmes de leur société en copiant qu'est-ce que les koufars font et en rejetant derrière leur dos qu'est-ce qui est enseigné dans le Coran, dans la Sunna, soit intentionnellement ou soit indirectement par ignorance. Donc on a plein d'exemples de ça dans l'histoire contemporaine ou l'histoire du XXe siècle dans les pays musulmans. Et ça continue encore, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide pour justement être capable de sortir de ces différentes fitnes qui se suivent les unes après les autres dans les pays musulmans. Donc l'imam Shawkan, il mentionne donc, après avoir mentionné ce hadith, il dit, puis les musulmans ont continué sur cette voie. Ils ont continué sur cette voie, et c'est-à-dire que le dirigeant, c'était un seul dirigeant, et tous les musulmans étaient réunis autour de son commandement et de son ordre. Puis lorsque les territoires de l'islam ont commencé à s'élargir, comme je disais au début, l'imam Shawkan, il dit qu'il y a, on a vu apparaître de la divergence entre les musulmans. Et certains d'entre les musulmans, ou certains d'entre les gens qui étaient dans les différentes régions, parmi les régions des pays musulmans, ont pris le pouvoir dans ces régions-là. Ils se sont comme séparés de l'ensemble des pays musulmans et ils ont pris leur indépendance. Et les gens de ces régions-là se sont mis d'accord pour que lorsque le dirigeant dans la région où ils étaient, meurt, de le remplacer par quelqu'un qui allait prendre sa place. Et le cheikh, il dit que ça, c'est quelque chose qui est connu et il n'y a personne qui a eu de différence à ce sujet-là. Et c'est même une ijma, c'est-à-dire un consensus de tous les musulmans depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque. Et c'est quelque chose qui est relié avec les intérêts, les bienfaits. Il y a quelque chose qui est relié aux dirigeants et qui fait partie des intérêts et des bienfaits pour la religion et pour la dunya. Que les choses se passent de cette façon-là et se fassent de cette manière-là, c'est quelque chose qui doit se faire pour l'intérêt et le bienfait de la religion et de la dunya. Ça, c'est la fin de la citation de l'imam Shawkani à ce sujet-là. Et donc, pour revenir à l'exemple de qu'est-ce que on entend de la part des chesdouines par rapport à ces exemples-là, c'est, je me rappelle, et surtout quand on est converti à l'islam et qu'on cherche parfois des réponses par rapport à des questions qui ont rapport à ces sujets-là, et qu'on cherche, par exemple, dans les livres qui ont été traduits par les musulmans au sujet de ces questions-là, eh bien, dans le passé, on trouvait que des livres traduit par des chesbiyines ou bien par des gens qui font partie de la secte des frères musulmans, les Ikhwan. Et donc, eux, ils encourageaient tout le temps ces idéologies-là et ces hypothèses que la monarchie, c'est quelque chose qu'il faut combattre, que s'il y a des rois dans des pays musulmans, il faut les enlever du pouvoir et faire des coups d'État ou des choses comme ça. Donc, tout ce que quelqu'un pouvait trouver, c'est des exemples de ce genre. Et ils essaient de faire croire aux musulmans que dans l'islam c'est la démocratie, que le dirigeant il doit être choisi par le peuple et des choses de ce genre, alors que tous les exemples qu'on retrouve dans la sunna et dans le Coran mentionnent et clarifient, on voit, il n'y a pas de doute là-dessus, que lorsque quelqu'un est au pouvoir, une fois qu'on lui a donné la bay'a, lui a donné l'allégeance, eh bien que c'est lui qui reste au pouvoir à vie. C'est lui qui reste au pouvoir à vie, c'est-à-dire il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de révolte, il n'y aura pas de coup d'État, et que si des choses comme ça se produisent, eh bien c'est quelque chose qui est un péché en fait, c'est en contradiction avec les enseignements de l'islam. Que s'il y a des coups d'État ou des manifestations pour se plaindre contre ces gens-là de la manière que le font les Occidentaux, ça c'est pas en accord avec les enseignements de l'islam. Il se base souvent sur les livres écrits par les frères musulmans, comme Sayyid Qutb et les gens de ces tendances-là, et ils suivent l'exemple des Khawarij pour justifier ces attitudes-là qu'ils ont. Sinon, si c'est pas des laïcs ou des communistes ou des kuffars, qui ont quitté l'islam, qui ont apostasié, qui ont adopté des croyances des kuffars. Sinon, c'est comme je dis, c'est des soi-disant islamistes parmi les frères musulmans qui défendent ces idéologies ou ces idées contraires à la sunna et qui essaient d'agir selon ces idées-là. Et ils essaient de montrer que la monarchie, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, puis que qu'est-ce qui est en accord avec l'islam, c'est la démocratie. Puis, c'est de la falsification qu'ils font et c'est de mentir à propos d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos de sa religion, pour essayer de mentir, pour essayer d'avoir l'approbation de la population et de la masse. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation qui est la citation de l'imam As-San'ani dans son livre Subul al-Salam, qui est le charh de Bulugh al-Maram, écrit par l'imam Al-Asqalani, Cheikh Al-Hafiz Al-Asqalani Ibn Hajar. C'est un livre de hadith qui se concentre sur les règles de la religion, selon les chapitres de fiqh, Ce livre-là, il est très connu, même traduit, il est traduit en français, pour le Maram. Et l'imam As-Sam'ani, il a écrit un charh de ce livre qui s'intitule Subul Salam. Donc, dans le volume 1, à la page 182 de ce charh, Subul Salam, il y a l'explication du hadith suivant. Man kharaja an ta'a wa faraqa al-jama'a mata maytat. ومات فميتته ميتة جاهلية. Donc le cheikh il explique, l'imam Sanani dans son charf, dans son Sibul Salam, volume 1, page 182, il explique le hadith. Celui qui sort de l'obéissance à son dirigeant et qui se sépare du groupe, il meurt d'une mort semblable à celle de la Jahiliya. Donc il explique ce hadith. Cheikh, il dit, l'imam al-San'ani, il dit qu'est-ce qui suit. Qawluhu an ta'ati an ta'a ay ta'atu al-khalifa alladhi waqa'a al-ijtima'u alayhi wa ka'anna al-murad khalifatu ay qatrin min al-aqtar idha lam yujma' an-nas ala khalifatin في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, l'imam al-San'an il dit à propos de ce hadith, celui qui est sorti de l'obéissance et qui s'est séparé du groupe et qui meurt dans cet état, alors sa mort sera semblable à la mort de la Jahiliya, c'est-à-dire de la mort semblable à l'époque de l'époque pré-islamique, semblable à l'époque pré-islamique. Et pour éviter peut-être certaines ambiguïtés ou mauvaises compréhensions par rapport à ce hadith-là, ça ne veut pas dire que la personne en question elle est mécréante. Quand on dit qu'il meurt d'une mort de la Jahiliya, ça ne veut pas dire que la personne qui est sortie de l'obéissance de son dirigeant sera mécréante. Ça veut dire qu'elle va mourir d'une mort qui est semblable à celle de l'époque de la Jahiliya, parce qu'à l'époque de la Jahiliya, les gens n'avaient pas un seul dirigeant qui les réunissait. Et chacun était indépendant de l'autre. Et personne n'acceptait de se soumettre ou d'obéir à l'ordre de leur dirigeant. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours entre les différentes tribus arabes des guerres interminables et des conflits interminables, et les gens n'arrivaient pas à rien établir et à rien faire, justement parce que il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de dirigeant qui les réunissait. Donc, quand quelqu'un sort donc de l'obéissance de son dirigeant, c'est comme s'il retourne dans cet état pré-islamique de chaos et de désordre. Et donc, quand il meurt dans cet état-là, il meurt dans cet état qui est semblable. Wallahu a'lam. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu quand Cheikh Al-Fawzan et d'autres ulama ont mentionné l'explication de ces hadiths-là. Donc, ici, l'imam As-San'an, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui est sorti de l'obéissance, il dit c'est-à-dire l'obéissance du khalifa, celui autour duquel les gens ont été d'accord, qui se sont réunis autour de son pouvoir ou de son autorité. Et il dit, c'est comme si, qu'est-ce qu'on veut dire par le khalifa ici, c'est le khalifa de toute région, parmi les différentes régions. Il dit parce que il n'y a pas un khalifa autour duquel tous les musulmans dans tous les pays musulmans se sont réunis depuis depuis la dynastie des Al-Abbasis, depuis le pays qu'on appelle Al-Abbasis, donc la période des Abbasides, comme on dit en français. Il dit que depuis cette époque-là, toutes les différentes régions ont été établies avec un dirigeant qui est responsable de leurs affaires dans cette région-là. Donc le cheikh l'imam As-Sana'ani, il dit que si on prenait le hadith dans le sens que ça s'applique au khalifa autour duquel tous les musulmans dans le monde entier se sont réunis, eh bien ce hadith-là aurait peu de sens et aurait peu de, c'est-à-dire il n'aurait peu de sens dans sa pratique, dans le bienfait qui en découle. Et ensuite il dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit wa faraq al jama'a, c'est-à-dire qu'il s'est séparé du groupe, c'est-à-dire qu'il est sorti du groupe qui s'est réuni autour du dirigeant qui a organisé leurs affaires et autour duquel ils se sont mis d'accord dans leurs paroles et qui les protège contre leur ennemi. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Et le cheikh il dit قلت ولذلك أصل في السنة ووجه خفي. Et le cheikh il dit qu'il y a au sujet de cette question qu'on vient de clarifier dans les paroles des ulama, il y a une base ou un fondement à cela dans la sunna et un point de vue ou un point qui est subtil. C'est-à-dire que dans la sunna, on retrouve cet élément-là qu'on vient de mentionner et pour la comprendre, il y a une subtilité dedans. Et il mentionne donc d'où vient ce principe-là dans la sunna. Donc il dit فقد روى البخاري في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط عن المسور ابن مخزمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه فذكر صلح الحديبية وفيه اشتراط الكفار أنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين رجل قد أسلم إلا رده إليهم وفيه فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذرعا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلا والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne comme preuve des points ou comme élément de référence par rapport à la sunna, comme point pour qu'est-ce qu'on vient de mentionner par rapport aux dirigeants des différentes contrées. L'exemple qui est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre des conditions dans le djihad et des ententes de paix avec les gens parmi les koufars avec qui on est en guerre, lorsqu'on fait une entente de paix avec eux, et l'écriture des conditions. Et il mentionne donc ce hadith dans Sahih al-Bukhari. Et c'est le hadith qui est dans le volume 5, à la page 388, qui est le hadith 2731. Il dit, rapporté selon Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan. Et Marwan, il confirme tous les deux qu'est-ce que l'autre a rapporté de ce hadith-là. Donc, tous les deux se confirment les uns les autres par rapport à qu'est-ce qu'ils ont rapporté par rapport à cet événement-là. Et il mentionne l'entente ou la trêve, le pacte de Al-Hudaybiyah. Et il y a dans le pacte de Al-Hudaybiyah les conditions qui ont été prises dans le contrat avec entre les kuffars et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris comme condition, avait accepté comme condition que n'importe quel parmi les gens de Quraysh qui allaient se convertir à l'islam et qui allaient s'en aller vers Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le renvoyer vers eux. C'est-à-dire qu'il n'allait pas l'accepter à Médine. Qu'il allait le faire retourner à la Mecque avec les mouchriquins. Donc ça faisait partie des clauses de l'entente et du pacte en question. Alors, il y a un homme parmi les gens de Quraysh qui était musulman, qui s'appelait Abu Basir. Cet homme, il est parti, il a quitté la Mecque et puis il est parti à Médine. Alors les gens de Quraysh qui étaient à la Mecque, ils ont envoyé deux hommes pour aller le chercher. Et quand les deux hommes sont arrivés à Médine, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte qu'on a signé, eh bien, ils ont mentionné que ce pacte fait que tu dois nous remettre cet homme qui s'est enfui et qui est revenu ici. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a remis Abu Basir. Il a rendu Abu Basir à ces deux hommes-là. Et ils sont partis tous les deux avec Abu Basir pour retourner vers la Mecque. Et lorsqu'ils étaient en route, pour s'en aller vers la Mecque, ils se sont arrêtés à Dhul-Hulayfa. Et Dhul-Hulayfa, c'est près de Médine. C'est l'endroit où quand on va faire la Umrah ou le Hajj, c'est l'endroit qu'on appelle Al-Miqat. C'est de cet endroit-là qu'on porte l'Ihram. Et c'est parmi les différents Miqats des différentes régions, c'est le Miqat qui est le plus éloigné de la Mecque. Donc, ils étaient arrivés à cet endroit-là. Puis avant de repartir dans leur voyage pour retourner à la Mecque avec Abu Basir, ils se sont arrêtés pour manger quelques dattes, pour manger un peu. Et Abu Basir a dit à l'un des deux hommes, par Allah, je vois que tu as un très bon épée au toit. Et l'autre, il a pris l'épée et il a dit, oui, certes, par Allah, c'est un épée qui est très bon. et je l'ai essayé et j'ai pratiqué beaucoup avec. Alors Abu Basir a dit, montre-moi-le, hein, pour que je puisse le regarder, c'est-à-dire regarder l'épée. Montre-moi-la pour que je puisse la regarder. Et donc l'homme lui a passé l'épée pour qu'il puisse jeter un coup d'œil donc à son épée. Et Abu Basir il en a profité pour le frapper avec. Et l'autre s'est enfui pour retourner vers Médine. Et donc l'autre mouchrik, il s'est enfui et retourné vers Médine. Il est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en courant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, hein, il a vu l'homme courir, il a dit celui-là, il a eu peur. Hein. Il a compris qu'il avait été effrayé par quelque chose. Et lorsque il est arrivé donc devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon compagnon par Allah a été tué. Et moi aussi, j'ai failli être tué. Et Abu Basir est arrivé et il a dit au prophète Allah, par Allah, tu as rempli ton pacte. Hein? Allah a fait que tu as rempli ton pacte et tu m'as remis à ces deux hommes. Puis Allah m'a sauvé de ceux-là. Hein? C'est-à-dire il m'a délivré de ces deux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, oh malheur à Mis'ar, malheur à lui, cet homme-là pourrait commencer une guerre s'il avait d'autres personnes avec lui. Hein? En voulant dire que c'est quelqu'un qui pouvait causer même une guerre s'il avait des gens qui étaient avec lui. Et lorsque le professeur Sam, lorsque Abu Basir a entendu le commentaire du professeur Sam, il a compris que si d'autres hommes venaient le réclamer de Quraysh, si d'autres gens de Quraysh venaient pour demander de le retourner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait donné encore une fois Abu Basir pour qu'il retourne avec eux. Alors, à ce moment-là, lorsque Abu Basir a vu ça, il est sorti de Médine. Il a quitté Médine et puis il s'est en allé vers la mer. Il s'est en allé vers le bord de la mer Rouge. Et il a dit que chaque fois, il a été rejoint par la suite par Abu Jandal ibn Suhail. Et donc ils se sont réunis là-bas. Et chaque fois que quelqu'un quittait la Mecque, quittait les mouchriquins de Quraysh, chaque fois que quelqu'un se convertissait à l'islam, au lieu d'aller à Médine, ils n'allaient pas à Médine parce qu'ils savaient que s'ils allaient aller à Médine, ils allaient être remis aux mouchriquins. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient retrouver Abu Basir et Abu Jandal. Et à un moment donné, il y avait tellement de gens qui s'étaient enfuis de la Mecque et qui étaient partis retrouver Abu Basir et Abu Jandal qu'ils ont même, à un moment donné, ils ont fait comme, ils étaient devenus comme un genre de groupe. Là. Ils étaient devenus une sorte de, comme un gang, hein, tellement ils étaient nombreux. Et à chaque fois qu'une caravane partait, parmi les caravanes de Quraysh, hein, et qu'elle partait pour aller vers la Syrie, pour aller chercher des marchandises ou vendre des marchandises, eh bien, Abu Basir et Abu Jandal et ceux qui étaient avec eux, ils attaquaient cette caravane, hein, ils attaquaient cette caravane, et ils prenaient qu'est-ce qu'il y avait dedans et ils tuaient les gens qui étaient dedans aussi. Donc, ils prenaient leur argent. Alors, les gens de Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Hein? Parce qu'ils ont vu que c'est des gens qui se sont enfuis de la Mecque, mais qui ne sont pas sous l'autorité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ne sont pas retournés à Médine. Donc, ils font ces choses-là, hein? Et ils ne sont pas reliés avec l'état ou la ville où le prophète Mohammed est établi. Donc, ils ne peuvent pas reprocher au prophète Mohammed qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, puisque c'est pas c'est pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont. Et ils sont pas sous son autorité. Donc, ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de, par Allah et par les liens de parenté qu'ils ont, de ne plus renvoyer les gens lorsqu'ils viennent de la Mecque. Chaque fois que quelqu'un allait quitter la Mecque par la suite pour aller vers eux, de ne plus les renvoyer et de les laisser rester à Médine avec lui. Donc, donc ils sont venus eux-mêmes. Déjà, on sait que, comme on a vu dans les cours précédents, que les musulmans avaient pris une entente de paix avec les mouchriquines de la Mecque, et c'était dans Al-Hudaybiyah, et que cette entente de paix-là, elle était désavantageuse pour les musulmans, mais à la fin, ce sont les koufars eux-mêmes qui sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer cette clause qui était désavantageuse pour lui à la base pour que maintenant les gens laissent les, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse les musulmans qui s'étaient enfuis de la Mecque rester avec lui à Médine. Et comme un cheikh avait expliqué par rapport à ça, justement, il avait mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça avec une grande sagesse. Quand il a accepté cette condition-là, c'est parce qu'il savait qu'il y avait dans ça une grande sagesse. Hein, parce que si un musulman allait quitter Médine pour aller vers la Mecque, il fallait que les gens de la Mecque renvoient cette personne-là vers Médine. Et que si quelqu'un de la Mecque quitte la Mecque pour aller vers Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait le renvoyer vers la Mecque. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un quitte les musulmans pour aller vers les mouchriquines, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien avec lui. Donc c'est mieux qu'il s'en aille, hein, et qu'on le laisse avec eux. Et si un musulman qui est avec les mouchriquines veut venir à Médine avec les musulmans, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui trouver une issue, hein. Donc ça c'est un exemple. Et de toute façon le nombre des musulmans n'a fait qu'augmenter et augmenter et augmenter et augmenter, et jusqu'à ce que, hein, les kuffars eux-mêmes demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer cette condition-là qu'il avait prise avec les mouchriquins. Donc il dit fa Abu Basir wa man ma'ahu min al-muslimin رضي الله عنهم صاروا في حالهم مع الكفار في حكم غير الحكم الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من وجوب الكف عن الكفار والوفاء لهم بعهدهم. Donc le chef il explique que Abu Basir et ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans, ils étaient dans une situation avec les kuffars qui était différent dans son verdict que le verdict obligatoire qui était obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui parmi les musulmans à Médine, c'est-à-dire l'obligation de s'abstenir de combattre les kuffars et de respecter leur entente avec eux. C'est-à-dire que Abu Basir et Abu Jandal et ceux qui étaient avec lui, ils n'avaient pas la même contrainte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'abstenir de combattre les mouchriquines à cause de son, parce que eux ils n'étaient pas sous le pouvoir ou l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine. Tandis qu'ils étaient à l'extérieur, c'est comme s'ils composaient un état indépendant de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils n'étaient pas régis par les mêmes contraintes du contrat que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si l'entente de Al-Hudaybiyah s'appliquait uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui étaient avec lui à Médine seulement. Mais une fois que les musulmans étaient à l'extérieur de la ville de Médine, eh bien, ils n'étaient plus limité par ces conditions-là de l'entente. Hein? Et donc, c'est là-dessus que les ulama se sont basés pour établir justement les principes et les règles qui ont rapport justement au fait qu'il y ait plusieurs États musulmans en même temps. C'est un exemple qu'ils ont pris à propos de ça, à partir de ça. Comme et il cite des exemples maintenant des paroles des ulama au sujet de cette question et par rapport à cette à ce hadith. Donc il dit قال ابن قدامة في المغني في شروط عقد الهدنة وذكر قصة أبي بصير فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيز ناحية ويقتلون من قدروا عليه من الكفار ويأخذون أموالهم ولا يدخلون في الصلح وإن من ضمنهم وإن ضمنهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم وأموالهم نعم انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam Ibn Qudama il dit ici dans Al-Mughni le volume 13 à la page 162 que parmi les conditions de faire des ententes de paix et les ententes de paix et les trêves, il y a l'exemple de l'histoire de Abu Basir. Et il dit donc Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni le volume 13 page 162 qu'il est permis, alors dans ce cas-là, à celui qui est converti parmi les koufars, de s'en aller dans une autre région, puis ils peuvent dans ce cas-là combattre ceux qui sont capables de combattre parmi les koufars et de prendre leurs biens et qu'ils n'entrent pas dans l'entente de paix qui a été prise avec les pays musulmans. Mais si le dirigeant les rallie à lui-même, c'est-à-dire avec la permission des koufars, que les convertis, ces convertis-là vont être ralliés aux dirigeants musulmans, dans ce cas-là, ils rentrent dans l'entente de paix et il devient interdit pour eux de tuer les koufars, de les combattre ou de prendre leurs biens. Ça, c'est la fin de la citation. Donc, ça, c'est dans des exemples. Il compare l'exemple de Al-Hudaybiyah avec Abu Basir, qu'est-ce qui est arrivé dans l'entente de paix, avec la situation dans laquelle il y aurait des choses semblables à son époque. Donc ça c'est pour dire que c'est des règles qu'on peut extraire ou tirer de ce hadith, de cette histoire, de ce hadith. Hein. Et c'est pour ça qu'on a constaté ou remarqué de la part de certains, par exemple parmi les takfiriens ou les djihadiens, qu'ils essaient toujours d'attirer avec eux des convertis, parce qu'ils essaient de, ils pensent qu'ils peuvent appliquer ce hadith-là de cette façon aujourd'hui, en voulant dire qu'ils vont utiliser des convertis, parce qu'ils se disent, ah, si ce sont des convertis, dans ce cas-là, ils peuvent faire la même chose que Abu Basir. Hein. Mais bien entendu, les choses sont totalement différentes, puisque si quelqu'un est converti dans les pays des koufars, eh bien, il respecte les ententes de paix et le respect qui sont établis dans les pays des koufars, dans leur pays, hein, qui fait partie des règles, des conditions qui sont établies par rapport à ces choses-là dans les pays non musulmans. Et donc c'est ça. Si un musulman, par exemple, un musulman converti, par la suite, il fait la hijra, il va dans un pays musulman, eh bien, il doit respecter les règles qui sont appliquées dans le pays musulman par rapport à ces koufars-là aussi, puisqu'il y a une entente de paix entre les pays musulmans et les pays et ces pays non musulmans-là. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qayyim. Dans Zad al-Ma'ad, le volume 3 à la page 308, il dit وَفِي ذِكْرِ الْفَوَائِدَ الْمُسْتَنْبَطَ مِنْ قِصَّةِ أَبِي بَصِيرِ رضي الله عنه في الصلح الحديبية ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه منه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحد منهم لم يضمنه بدية ولا قود، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم، حيث لا حكم للإمام عليه. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة، وهي من حكم المدينة، ولكن قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. Donc on va commencer par traduire cette partie-là. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit que parmi les points qu'on peut tirer de cette histoire de Abu Basir et de l'entente de paix de Al-Hudaybiyah, il y a que celui qui vient parmi les kuffars vers l'imam, vers les musulmans, vers le dirigeant des musulmans. لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. Donc ça, il dit que ça concerne pas celui qui est sorti d'entre les musulmans, qui est sorti de leur pays et qui s'est rendu vers autre que le pays du dirigeant musulman, et qui c'est comme Abu Jandal, qui n'était pas retourné à Médine. Et il dit que s'il revient au pays où ce dirigeant-là est au pouvoir, c'est-à-dire là où il y a les musulmans, il n'est pas obligatoire pour le dirigeant de le renvoyer sans qu'il le demande. C'est-à-dire que si le musulman y retournait vers les musulmans, vers la ville des musulmans, et que les mouchriquins ne venaient pas le demander, dans ce cas-là, ce n'était pas une obligation pour le dirigeant de le renvoyer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas renvoyé Abu Basir lorsqu'il est venu. Et il ne lui a pas imposé de revenir, de retourner à la Mecque. Mais lorsqu'ils sont venus le chercher, il leur a permis de le prendre et de le ramener. Mais il n'a pas forcé Abu Basir de retourner avec eux. Et il y a parmi les points aussi qu'on peut tirer de ce hadith-là que les mouchriquins avec lesquels il y avait l'entente de paix, une fois qu'ils ont pris la personne en question qu'ils sont venus chercher, et que la personne qu'ils sont venus chercher en a tué un d'entre eux, le dirigeant, dans ce cas-là, il n'est plus responsable. Il n'est plus responsable une fois qu'ils l'ont repris. Et il n'a pas à leur payer le prix de son sang, ni à demander une rétribution ou une punition pour lui, parce qu'il n'est plus responsable de ce qu'il fait. Il n'est plus responsable de ce qu'il fait une fois qu'il les a remis en leurs mains. Une fois qu'il l'a remis en leurs mains. Et s'il l'a tué pendant qu'il était en leur pouvoir ou en leurs mains, eh bien le verdict de ce qu'il a fait, ce sera comme s'il l'avait fait lorsqu'il était dans leur pays, dans leur région, dans leur ville. Et dans ce cas-là, l'imam n'aura aucun. Ce ne sera pas la responsabilité de l'imam par rapport à qu'est-ce qu'il a fait comme action, ou le fait d'avoir tué un d'entre les hommes qui ont une entente de paix avec eux. Puisque lorsque Abu Basir a tué l'un des deux hommes, il était à Dhul-Hulayfa. Et Dhul-Hulayfa, ça fait partie de Médine. Ça fait partie de la région de Médine. Mais étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait remis Abu Basir et qu'il s'était séparé de l'endroit où était le dirigeant lui-même, donc à cause de ça, il n'avait plus de responsabilité. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم سواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذ لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne ici que si les gens qui avaient une entente de paix avec les mushrikins qui avaient une entente de paix avec le dirigeant musulman, si parmi ces musulmans là dans la région où est ce dirigeant, il y a un groupe qui sort, et que ce groupe-là qui sort font la guerre et prend des butins de ces koufars et de ces mouchriquins, et qu'ils ne retournent pas vers ce dirigeant musulman, il n'est pas obligatoire pour le musulman de les repousser d'eux ou de les empêcher d'attaquer les mouchriquins. Peu importe, sawa adakhalu fi aqd al-imam wa ahdihi wa dinihi aw lam yadkhulu. Il dit peu importe qu'ils rentrent dans le pacte, dans l'entente et la religion de ce dirigeant ou non. Il dit que l'entente qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins n'était pas une entente entre les mouchriquins et Abu Basir et ses compagnons. Cette entente-là, elle se limitait uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui à Médine seulement. Donc il dit « wa ala hadha », donc il dit donc, si on se base là-dessus, on peut dire que si certains des rois musulmans avaient une entente de paix avec certains chrétiens parmi les gens de la Dhimma ou d'autres qui avaient une entente de paix, il serait permis à un autre roi musulman de leur déclarer la guerre et de prendre des butins d'eux s'il n'y avait pas entre lui et eux une entente de paix. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donné la fatwa à ce sujet pour les chrétiens de Maltiya, hein, et qu'il avait mentionné que c'était permis de les prendre et de faire la guerre contre eux pour d'autres musulmans qui n'avaient pas d'entente de paix avec eux, en se basant sur l'histoire de Abu Basir avec les mushrikins. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Qayyim. Donc c'est pour dire en fait que s'il y a un pays musulman qui est en paix avec un pays des mushrikins et que il y a un autre pays musulman qui n'est pas en paix avec les mouchriquins et qui décide de combattre ce pays-là avec lequel les autres musulmans sont en paix, eh bien, eux, ils ont le droit de les combattre dans le sens que eux, ils n'ont pas d'entente avec eux, tandis que ceux qui ont une entente de paix, ils n'ont pas le droit de les combattre. Hein? Chaque dirigeant, il est indépendant de qu'est-ce que l'autre dirigeant décide. C'est ça que ça signifie. Il dit « wa qala aywan » وزاد في زاد المعاد لما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليهم منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا قد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عن من هو تحت قهره وقبضته كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ يقول أسلمنا وإن لم إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا فلم يكن إسلاما صريحا ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام ولم يقتضي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده إن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ومنعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية وسيره من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله التوفيق انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Qayyim explique un autre point ici, c'est dans Al-Ma'ad, le volume 3, à la page 141, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'entente de paix, qu'il allait renvoyer certaines des personnes, certaines personnes qui allaient revenir, qu'il allait les renvoyer, il dit يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه. Donc il allait permettre à ceux qui venaient pour chercher ces gens-là qui s'étaient enfuis, il allait leur permettre de les reprendre. Mais il n'allait pas imposer à ces musulmans-là de retourner. Il n'allait pas non plus leur ordonner de retourner. C'est-à-dire que ça, c'est la responsabilité des kuffars de venir les reprendre et de les ramener avec eux, mais ça s'arrête là. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne va pas imposer à ces personnes-là de retourner et il ne va pas non plus leur ordonner de retourner. C'était aux mushrikin à eux-mêmes de s'arranger pour venir les chercher et de s'occuper de les ramener. Et le reste, ça ne concernait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Donc il dit si l'un d'entre eux était tué, si l'un d'entre ces hommes-là était tué, ou bien c'est-à-dire un d'entre les mushrikines était tué, ou bien que quelqu'un prenait ses biens alors qu'il s'était séparé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, séparé des musulmans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas rien faire pour eux et il n'allait pas non plus leur garantir quoi que ce soit de ce qui s'était passé de la part de ce musulman là parce qu'il n'était plus sous son autorité comme on l'a expliqué tout à l'heure. C'est ça. Et il n'allait pas être responsable de quoi que ce soit de ce qui allait être pris de la vie ou des biens de ces gens-là puisqu'il n'était plus sous son autorité, tandis que s'il était sous son pouvoir et sous son ordre, ça c'est autre chose, hein, comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Khalid ibn Walid avait tué des gens de Bani Jazima dans le combat, alors que ce sont des gens qui, yani, ils n'avaient pas le droit de les combattre ou de les tuer parce qu'ils avaient accepté l'islam. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un dédommagement et leur a donné la moitié du prix du sang et leur a remis leur bien. Pourquoi? Parce que, et en plus il a dénoncé ce que Khalid ibn Walid avait fait, il s'est désavoué de ses actions pour qu'est-ce qu'il avait fait, mais il leur a pas donné le dédommagement total parce qu'il y avait une sorte de shubha, puisque Khalid il n'avait pas compris en fait que ces gens-là avaient accepté l'islam parce qu'ils n'avaient pas dit aslamna, ils n'avaient pas dit nous avons accepté l'islam. Au lieu de ça, ils ont utilisé un autre terme, hein, qui n'avait pas été compris par Khalid ibn Walid. Ils ont dit sabana, sabana. Et sabana, c'est le terme qui est employé par les mouchriquins pour décrire quelqu'un qui a quitté la religion des mouchriquins. Comme si, en fait, les mouchriquins, entre eux, ils utilisaient ce terme-là pour critiquer quelqu'un qui quittait, qui abandonnait la religion des mouchriquins. Ils disaient, hein, sabaa, à propos de quelqu'un qui avait quitté leur religion, ils disaient, hein, sabaa. Donc, pour eux, c'était un terme qui voulait dire cesser ou quitter la religion des mouchriquins, la religion de l'adoration des idoles. Et donc, eux, ils ont utilisé ce terme-là probablement parce qu'ils ne savaient pas quel autre terme employer. Ils n'ont pas pensé à un autre terme. Donc, ils criaient « Sabatna, Sabatna » et malgré tout, Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, avait continué de les combattre et de les tuer. Donc ça a été un grand malheur cet événement là mais étant donné que c'était pas un islam qui avait été déclaré de façon explicite et claire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a remis la moitié du prix du sang à cause de l'ambiguïté qui avait été faite, à cause de l'ambiguïté de leur propos. Puis il les a dédommagés d'une certaine façon. Donc c'était pas comme le cas de la situation où c'était pas quelque chose qui avait été fait sous son autorité ou dans son pouvoir, en dehors de son pouvoir, comme lorsque Abu Basir avait fait ce qu'il avait fait. Ensuite il dit, il a agi avec eux de la même manière que les gens du livre qui avaient été préservés ou protégés. C'est-à-dire, il parle des gens de Bani Jazima qui avaient été tués par Khalid ibn Walid. Il a agi avec eux comme avec les gens du livre qui ont été protégés dans leur bien et dans leur sang avec l'entente de paix. Hein, et le pacte et le serment l'engagement qu'ils ont qui ne sont pas convertis à l'islam, c'est-à-dire les gens du livre qui paient la jizya par exemple. Donc il les a traités comme si c'était des gens de Zimba, il les a rétribués et il dit walam yaqtadi ahd as-sulh an yansurhum, donc le fait qu'il y ait une entente de paix avec les musulmans, ça n'implique pas que ceux qui ne sont pas sous le contrôle ou le pouvoir du prophète sallam, qu'il doit les repousser ou les empêcher de ceux qui ont une entente de paix avec lui. Hein? Donc il n'est pas responsable des autres musulmans qui ne sont pas sous son autorité si eux, ils font quelque chose à ceux qui ont une entente de paix avec lui. il dit وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجِبْ عَلَيْهِمْ. Donc même si ce sont des musulmans qui sont en train d'attaquer ceux qui ont une entente de paix avec l'autre état musulman, eh bien c'est pas une obligation pour le dirigeant qui a l'entente de paix de repousser ou d'empêcher les musulmans d'attaquer ce pays de non-musulmans qui ont une entente de paix avec son pays à lui. Donc il dit que ça fait partie des règles de la guerre et des ententes de paix dans l'islam par rapport aux musulmans et aux non-musulmans, donc, et des questions qui ont rapport avec les questions politiques qui sont qui sont basées sur la politique établie sur la révélation, et qu'on peut extraire des exemples et des règles qui ont été appliquées par le prophète sallam lui-même à son époque, et il explique que ça c'est mieux d'appliquer ces principes-là qui sont tirés des exemples du prophète sallam lui-même que de retourner, par exemple, de prendre ces règles-là des opinions des hommes. Hein? Ça c'est une chose, et l'autre, les opinions des hommes, c'est autre chose, et le succès vient d'Allah. Donc ça c'est la fin de la citation en question. Il dit ensuite وقال ابن حجر في فتح الباري المجلد الخامس le volume 5 à la page 414. Il explique donc à propos du contexte de l'histoire de Abu Basir qu'on a mentionné tantôt. Il dit il y a dans cet exemple, il dit فيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادنا بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم. Donc il répète encore la même chose. Qu'est-ce que l'imam Ibn Qayyim a dit? Il répète la même chose. Qu'est-ce que l'imam Ibn Qayyim a dit? Donc on n'a pas besoin vraiment de le traduire puisque c'est la même chose qu'il répète. Mais c'est juste pour savoir que l'imam Ibn Hajar, il a mentionné ce principe-là lui aussi. Ensuite il dit que l'imam Sa'di, le cheikh Sa'di, dit dans son tafsir du verset de Surat al-Anfal, illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq, verset 72, on l'a mentionné au dernier cours, il dit, ay ahdun bitark al-qital, fa innahum idha arad al-mu'minun al-mutamayyizun alladhina lam yuhajiru qitaluhum, فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم ميثاق. انتهى كلامه. Donc il mentionne justement le point qu'on a mentionné au dernier cours, que c'est-à-dire que les musulmans n'auront pas le droit de combattre les musulmans qui ont une entente de paix avec les kuffars, ils n'auront pas le droit de combattre avec un autre état musulman qui, eux, n'ont pas d'entente de paix avec ces kuffars, et ils devront respecter l'entente de paix qu'ils ont. Donc, si les musulmans qui sont en train de combattre avec les mouchriquins demandent de l'aide de la part des autres musulmans, et que ces musulmans-là, eux, de leur côté, ils ont une entente de paix, ils n'ont pas le droit de leur venir en aide, hein, puisqu'il y a une entente de paix entre eux. Donc il dit ensuite, Cheikh, il conclut ce point-là en disant que il dit وَهُنَا نَصِلُ إِلَى الْمُرَادُ. Il dit maintenant on arrive au point. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par rapport à toute cette histoire qu'on a mentionnée, puis toutes ces règles qu'on a clarifiées. Maintenant, c'est quoi l'objectif d'avoir mentionné tout ça et c'est quoi le point qu'on veut en tirer. Cheikh il dit وَهُنَا نَصِلُ إِلَى الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ بأن النصوص الشرعية المتعلقة بالعهود والمواثيق والسلم والحرب في حال اجتماع المسلمين تحت إمام واحد قد لا تنزل على الحال التي يكونون فيها متفرقين تحت ولايات متعددة كتبت عليهم قدرا منذ عصور وأنهم إذا كانوا تحت ولايات متعددة فاختلفوا في بعض المسائل كالعهود والمواثيق مع الكفار مثلا بأن يعقدها البعض ويأبى غيرهم من طوائف المسلمين فيقاتل فليس أحدهم أولى بالموالاة من الآخر حتى يرد ذلك إلى الدليل لأن الموالاة الواجبة لأهل الإسلام إذا كان أمرهم متفقا على طاعة الله ورسوله فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين بخلاف ما إذا اختلف. أي نعم. Donc le cheikh, le point qu'il a voulu mentionner à propos de ça, c'est comprendre en fait que maintenant on arrive au point de qu'est-ce qu'on voulait expliquer par ce principe qu'on a mentionné. C'est que les règles de la charia qui sont reliées à la question des ententes de paix et des pactes et des trêves et de la paix et de la guerre, quand les musulmans sont réunis derrière un imam unique, un dirigeant unique, dans toute la Oumma, ça c'est une situation bien spécifique. Mais cette situation-là, elle n'est pas la même lorsque les dirigeants des pays musulmans sont divisés et que chaque pays a un dirigeant indépendant. Hein? Dans ce cas-là, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Ce n'est pas les mêmes règles que quand il y a un seul dirigeant unique. C'est ça que le cheikh essaie d'expliquer en fait. C'est qu'il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, quand ils regardent les situations qui se passent dans le monde, ils essaient d'appliquer la situation ou les solutions qui sont mentionnées lorsqu'il y a un seul dirigeant pour toute la Ummah. Comme si tous les pays étaient un seul pays musulman. Et ils ne prennent pas en considération la réalité de ce qui se passe actuellement, qu'il n'y a pas un seul pays musulman avec un seul dirigeant dans le monde, mais qu'il y a plusieurs pays musulmans avec plusieurs différents dirigeants chaque. Pays à son dirigeant indépendant, et donc il ne faut pas penser que quand les questions de paix ou de guerre vont se présenter, que tous les musulmans vont réagir de la même manière que s'ils avaient un seul dirigeant et qu'ils étaient tous réunis. Hein. Et donc ça c'est une réalité. Donc chaque pays aura des réalités et des situations à tenir compte par rapport à leur réalité. Indépendante et donc ils vont pas nécessairement tous réagir de la même manière, mais ça veut pas dire qu'ils sont en train nécessairement de contredire l'islam ou de contredire al-wala ou al-bara, contrairement à ce que veulent faire croire par exemple les hizbiyyin aujourd'hui, qui essaient de dire aux musulmans que si tel ou tel pays musulman n'agit pas de telle ou de telle manière envers tel ou tel pays non musulman qui attaquent un pays musulman, qu'ils essaient d'appliquer ça ou d'utiliser ça comme argument pour dire tel pays il contredit al-wala ou al-bara, ou tel pays il n'aide pas leurs frères musulmans ou des choses de ce genre. Hein? Donc on ne peut pas appliquer ça de cette façon-là ou penser de cette manière-là. Il faut tenir compte des règles de la charia et il faut tenir compte des réalités de chaque pays et des ententes qui existent entre ces pays-là et ainsi de suite. Et donc, ça vient en fait clarifier la situation. Et donc, le cheikh, il dit que si les pays musulmans, ils ont différents états et qu'ils ont des dirigeants qui sont responsables de chaque pays et qu'ils ne sont pas pareils, ils ont des différences entre eux dans les ententes de paix et les pactes qu'ils ont avec les kuffars, comme par exemple certains pays, par exemple, ils ont une entente de paix avec certains pays et d'autres, ils n'ont pas d'entente de paix. Et donc, certains pays musulmans veulent combattre, par exemple, un pays d'entre les kuffars, tandis que d'autres refusent de combattre ce pays kuffar, eh bien, il n'y en a pas un qui mérite plus d'être défendu ou qui mérite plus qu'on s'allie par rapport à ce pays-là que l'autre, jusqu'à ce qu'on ait ramené les choses à la preuve aux preuves de la charia. Parce que l'allégeance et l'aide, le support qui est obligatoire pour les gens de l'islam, c'est lorsque c'est en accord avec l'obéissance d'Allah et de son messager. Donc, celui qui contredit l'obéissance d'Allah et de son messager, il a suivi autre que la voie des croyants. Contrairement, lorsqu'il y a une divergence entre les musulmans, là, dans ce cas-là, il faut que chacun agisse selon qu'est-ce qui lui correspond, selon les règles de la charia. Donc, si un pays musulman il n'a pas d'entente de paix avec les kuffars, puis il décide de combattre les kuffars, eh bien, yani, eux, c'est permis pour eux, parce qu'ils n'ont pas cette entente. Tandis qu'un autre pays musulman, ils ont une entente de paix avec les kuffars, c'est obligatoire pour eux de s'abstenir de combattre. Donc, pour eux, l'obéissance d'Allah et de son messager, c'est d'obéir Allah et au messager en respectant l'entente de ce contrat ou de cette entente de paix et de ne pas combattre. Donc chacun doit respecter la situation de l'autre dans ces cas-là. Et le cheikh dit wa qala cheikh al-islam ibn taymiya lamma dhakara qawluhu subhanahu wa ta'ala innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina ila akhir al-ayah في سورة المائدة ذكر هذا الكلام في كتابه منهاج السنة المجلد الثامن الصفحة 349 قال فجعل موالاتهم كموالاة الله ورسوله وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم وهذا لا يكون إلا إذا كان أمرهم أمرا متفقا فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضده لم يكن موالاة هذا بأولى من موالاة هذا فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il mentionne donc les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au sujet du verset 55 dans sourate al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que vos alliés sont uniquement Allah et son messager et ceux qui ont cru. Ça c'est dans Minhaj al-Sunnah le volume 8 à la page 349. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc que le support et l'allégeance des croyants, il dit donc le fait de prendre les croyants pour alliés, c'est comme de prendre Allah et son messager pour alliés. Il dit que de prendre Allah et son messager pour alliés ne peut pas être établi, ne peut pas être complété, excepté en obéissant à son ordre. En obéissant à l'ordre d'Allah, son messager. Et de même que les croyants, hein, on ne peut pas les prendre pour alliés, excepté en obéissant à l'ordre d'Allah et de son messager. Et excepté également en obéissant à l'ordre des croyants. Mais l'ordre des croyants, on peut seulement le suivre et le respecter lorsque c'est un ordre qui est uni. Tandis que s'il y a un groupe qui ordonne une chose et un autre groupe qui ordonne le contraire, dans ce cas-là, il n'y a pas un des deux groupes qui est plus yani, qui nous demande, il n'y a pas un des deux groupes qui mérite plus d'être respecté que l'autre, puisque leur ordre n'est pas en accord, leur ordre est en contradiction l'un avec l'autre. Donc dans ce cas-là, yani, dans des cas de divergence comme ça, il faut ramener l'ordre et l'obéissance à Allah et à son messager. Donc, l'ordre, le fait de s'allier, de prendre les croyants pour alliés, ça doit être basé sur le fait de prendre Allah et son messager pour alliés. Et donc, on ne peut pas prendre les croyants pour alliés, excepté si c'est établi sur l'obéissance à Allah et son messager. Et si on prend les croyants pour alliés et que entre les croyants, il y a des divergences, un ordonne quelque chose et l'autre ordonne le contraire, et bien dans des situations comme ça, on ne peut pas obéir aux deux en même temps, puisque c'est une contradiction. Et donc, dans ce cas-là, il faut retourner à qu'est-ce que Allah et son messager ont décrété et obéir selon la situation. Si dans des situations comme celle qu'on vient de mentionner, par exemple, où des musulmans sont en conflit avec des kuffars et des mushrikines et ils veulent qu'on les aide contre ces kuffars et ces mushrikines, mais que nous on a une entente de paix avec ces kuffars et ces mushrikines, et bien dans ce cas-là, il faut y aller obéir à Allah et son messager. Et l'obéissance à Allah et son messager dans ce cas-là, c'est de respecter l'entente de paix. Hein? Et la même chose pour, comme par exemple, lorsque des musulmans qui entrent dans les pays non musulmans avec un visa, ça veut dire qu'ils ont donné leur parole, qu'ils allaient respecter certains engagements et qu'ils allaient respecter la sécurité et le sang et les biens de ces gens-là. Donc ils doivent respecter leurs paroles et leurs ententes. Ça fait partie des pactes, ça aussi. C'est aussi partie des pactes et des ententes à respecter. Donc, ceux qui contredisent leur pacte et leur entente en faisant le contraire de ce qu'ils ont pris comme engagement dans leur visa ou les choses de ce genre, eh bien, ça veut dire qu'ils ont trahi leur parole, ils ont contredit l'ordre d'Allah et de son messager. Donc ça, c'est des exemples. Puis, en tout cas, ça c'est un point. Au prochain cours, Inch'Allah, samedi prochain, on va expliquer un autre point, le point numéro 5, Inch'Allah. Et le point numéro 5 à ce sujet-là, c'est « Anna al-bilad al-muntasiba lil-islam mukhtalifatun bi-ahkam al-muwala wal-mu'ada » C'est-à-dire que les pays qui appartiennent à l'islam sont divergents dans les règles de al-muwala wal-mu'ada, et on va expliquer qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. J'aimerais juste avant de fermer la salle mentionner une annonce par rapport à quelque chose, en fait. C'est que on va j'ai décidé, parce que il y a certains cours que j'ai commencé il y a quelques années, puis que j'avais pas eu l'occasion de terminer. Certains livres que j'avais commencé à lire et que j'ai pas terminé pour différentes raisons. Parfois c'est parce que le temps le permettait pas, puis que c'était une occasion spéciale, un cours qui était pas un cours régulier, donc j'avais commencé une partie mais j'ai pas eu l'occasion de terminer. Ou bien parfois c'est certaines choses qu'on avait commencé mais on n'avait pas eu le temps de faire la suite pour différentes raisons. Donc j'ai décidé que ce serait bien de pouvoir compléter certains de ces cours là. Donc qu'est-ce que je vais faire, Inch'Allah, je vais faire un cours le vendredi. Hein, le vendredi à peut-être ça sera plus tôt le matin ici au Canada pour que ce soit plus facile pour moi, parce que le vendredi c'est un jour quand même on est occupé, mais c'est un jour qui convient bien pour moi aussi, parce que de certains points de vue, j'ai pas d'autres occupations. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de reprendre certains des cours et juste de les compléter. Donc, ce sera pas un cours régulier, ce sera des cours de différents sujets, mais qui seront des suites de certains sujets qu'on a déjà commencé dans certains livres, certaines conférences. Et le premier point que j'aurais voulu commencer, c'est premièrement l'explication ou la suite, plutôt la clarification par rapport au cours que j'ai fait sur Nawaqid de l'Islam, les annulatifs de l'Islam. Le premier cours que j'avais fait, les trois premiers cours que j'avais fait dans cette série de Nawaqid al-Islam, j'avais utilisé un livre qui a été écrit par Cheikh Abdul Aziz Ar-Raïs. Et étant donné que certains des mashaykhs, ils ont mentionné justement certains problèmes par rapport à Abdul Aziz Ar-Raïs, que ce soit par rapport à son livre, un de ses livres, Al-Ilmam, Bisharh Nawaqid al-Islam, Cheikh Al-Fawzan, il a fait certaines critiques par rapport à ce livre-là, et également d'autres propos qu'il a eus et qu'il a mentionnés dans différents livres qu'il a écrits. Et il y a parmi les ulama, Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui ont écrit une réponse et une réfutation justement de certaines de ces erreurs dans ces livres-là. Donc je pense que c'est une bonne idée de reprendre les cours avec un autre livre, de reprendre ces trois premiers cours avec un autre livre sur les règles du takfir dans l'islam, les principes qui sont reliés à ça. Donc il y a le livre de Cheikh Bazmoul, Cheikh Mohamed Bazmoul, à ce sujet. J'ai envie de refaire ces trois premiers cours-là avec le livre de Cheikh Bazmoul pour que, Inch'Allah, ce sera pas, pour que ce soit pas un obstacle aux musulmans qui veulent apprendre les règles qui ont rapport avec Nawaqid al-Islam, donc de pouvoir avoir accès à ces cours-là qui sont très bénéfiques. Mais à cause de l'ambiguïté autour de l'individu de Abdul Aziz Ar-Raïs, de s'abstenir de vouloir les écouter à cause de ça, donc c'est préférable de les refaire avec les explications d'un cheikh salafi au sujet duquel il n'y a pas justement ce genre d'ambiguïté. Inch'Allah. Donc on va les reprendre à partir de vendredi prochain. Donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. De toute façon, je vais faire l'annonce durant la semaine, inshallah, par rapport à ça. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.